Dossier 2. Livre page 25. Question B. 1. Dina. Papa, quelle monnaie on utilise en Belgique? Le père. En Belgique, ma fille, on utilise l'euro. En France, en Italie et dans d'autres pays européens aussi. 2. Nabil. Tu voyages quand en Russie? Mounir. La semaine prochaine. Nabil. Alors, n'oublie pas de changer ton argent avant de voyager, car là-bas, on utilise le rouble. 3. Sasuki. Madame, voilà, je t'ai acheté au Japon le tissu que tu m'as commandé. Madame Kayali. Merci beaucoup. Combien je vous dois? Sasuki. 500 yens, s'il vous plaît. Madame Kayali. Voilà, et merci bien.